chiale. Il est blotti depuis si longtemps au fond d'eux-mêmes qu'il ne sait plus quoi dire. Écoute, il n'y a pas les bons ou les mauvais, le bien ou le mal. Il y a la vie, la sienne, celle qui nous fait du bien, celle qui nous fait du mal. Il y a dans chaque être qui cherche son chemin autant de coups de poing que de poignées de main. Écoute, il n'y a pas ceux qui sont tristes, ceux qui sont gais. Il y a des mots de détresse et des mots d'allégresse. Il y a la tendresse qui se blesse à chaque amour naissant. Il y a la mort qui se presse, la vie qui se dresse, l'éternité, la solitude. Écoute le cœur des gens qui chialent. Il est comme le tien, comme le mien, celui des uns, celui des autres. Il bat pour la beauté des choses. Écoute le cœur des gens.